Dans ses déclarations, Victor Edgman, le chef de la station de Leopoldville, fait état de souvenirs clairs et précis sur le câble Tweedy Bissell qu'il avait reçu. Il dit qu'en septembre 1960, il reçut une dépêche des plus inhabituelles provenant du quartier général de la CIA, qui le prévenait que « quelqu'un que je pourrais reconnaître débarquerait avec des consignes pour moi. Je crois que le message portait la mention « pour vos yeux seulement » et contenait des instructions selon lesquelles je ne devais en aucun cas en discuter le contenu avec qui que ce soit. » Le câble ne précisait pas quel genre de consigne il allait recevoir et ne faisait aucune référence à Lumumba. 3 jours après ce câble, Tweedy en envoya un autre par le canal PROP qui disait que s'il était décidé qu'un soutien aux objectifs PROP se révélait essentiel, alors une personne originaire d'un pays tiers serait utilisée comme agent pour l'opération d'assassinat, afin de cacher complètement la participation américaine. Câble CIA, 22 septembre 1960. Tweedy exprime également des réserves concernant 2 agents que le chef de station voulait engager et déclara « Envisageons d'utiliser un contact indépendant originaire d'un pays tiers disponible ici et qui pourrait jouer le rôle. Il s'agit probablement ici de l'agent QJWIN qui fut par la suite détaché au Congo. » Tweedy indiqua également au chef de station et à son collègue Scheider « Votre adjoint et vous devez comprendre que nous ne pouvons être constamment sur votre dos pendant que vous dressez vos plans et testez vos possibilités. Notre principale préoccupation doit être de cacher la participation américaine, à moins qu'il ne se présente une occasion unique qui nous permette de prendre un risque calculé de première classe. Nous sommes prêts à accepter toute proposition sérieuse venant de vous, tant nous avons grande confiance en vos jugements professionnels. » Le 24 septembre, le directeur général du renseignement en personne envoya lui-même une dépêche à Leopoldville. Désirons-vous fournir tout soutien possible dans le but d'éliminer Lumumba de toute fonction gouvernementale ou, s'il échoue à Leopoldville, de l'empêcher de s'installer à Stanleyville ou ailleurs. Dépêche CIA provenant de Dulles à destination de Leopoldville, 24 septembre 1960. Dulles, 3 jours avant, avait exprimé le même point de vue devant le président Eisenhower au cours d'une réunion du Conseil national de sécurité. Déposant devant la commission d'enquête, Edgman déclara « Je crois me rappeler que Scheider me conseilla ou me donna des consignes dans ce sens, d'éliminer Lumumba. » Question. Lorsque vous dites « éliminer », vous voulez dire assassiner ? Edgman. Oui, je peux dire que c'est le sens premier que je donnais à ce terme. Je ne crois pas que ce fût la seule interprétation, dans la mesure où il y avait d'autres moyens de l'empêcher d'occuper une fonction qui soit une menace politique. De son côté, Scheider déclara : J'ai expliqué au chef de station ce que Tweedy et son directeur m'avaient dit. Le quartier général voulait qu'il voie, Edgman, s'il pouvait se servir de ces substances biologiques que j'avais apportées pour éliminer Lumumba, et le prévenait que tout cela devait se faire sans que les États-Unis y soient mêlés. Le chef de station reçut des gants de caoutchouc, un masque de protection et une seringue, ainsi que les substances biologiques mortelles des mains de Scheider, qui lui apprit également comment les utiliser. Scheider avait envoyé cet attirail médical par la valise diplomatique. Scheider a expliqué que la substance toxique devait être injectée dans un produit que Lumumba pouvait ingérer. Il pouvait s'agir de tout produit destiné à entrer dans sa bouche, que ce soit de la nourriture ou une brosse à dents, afin qu'un peu de la substance passe dans sa bouche. D'après Edgman, les moyens mis en œuvre pour l'assassinat n'étaient pas limités à l'utilisation des substances toxiques fournies par Scheider. Il avait peut-être suggéré à Scheider qu'on pouvait abattre Lumumba d'un coup de revolver au lieu de l'empoisonner. Scheider avait assuré Edgman que ces poisons étaient mis au point pour ne laisser que des traces normales sur les gens, comme s'ils mouraient des suites d'une maladie. Edgman raconte qu'il avait eu une vive réaction de grande surprise quand il apprit que Scheider était venu pour mettre sur pied un plan d'assassinat. Il dit à Scheider qu'il approfondirait cette possibilité et lui donna l'impression qu'il allait étudier le problème et voir si on pouvait mener le plan jusqu'à son terme. Il souligna la difficulté de mener à bien un tel projet. Scheider, de son côté, dit que Edgman était calme et soucieux, mais qu'il acceptait de mettre l'opération en route. Le compte-rendu du chef de station sur son premier contact avec Scheider était une réponse nettement positive à la mission qu'on lui avait assignée. Edgman y rapportait que Scheider et lui étaient sur la même longueur d'onde. Il craignait même que le gouvernement central ne faiblisse sous la pression étrangère qui poussait à une réconciliation avec Lumumba. Pense donc action la plus rapide compatible avec la sécurité indiquée. Câble CIA, Léopoldville à Tweedy, 27 septembre 1960. Pendant les 2 mois qui suivirent l'arrivée de Scheider au Congo, un flot régulier de câbles rendant compte des progrès de l'opération passa par la voie propre entre Léopoldville et le quartier général. S'appuyant sur ses conversations avec Scheider, le chef de station Edgman fit une liste des possibilités d'action secrète contre Lumumba. En premier, il suggéra qu'un agent particulier soit utilisé de la manière suivante. Qu'il se réfugie chez le grand frère. Ainsi, il pourrait agir de l'intérieur et mettre au point tous les détails qui mèneraient à l'acte final. Câble CIA, 27 septembre 1960. Dans son témoignage, Tweedy déclare que l'expression « grand frère » désignait Lumumba. Pour Tweedy et Scheider, ce câble évoquait le plan numéro 1 de Edgman, qui consistait à donner l'ordre à son agent de s'infiltrer dans l'entourage de Lumumba afin de chercher des moyens de l'empoisonner. Le 30 septembre, le chef de station demanda avec insistance au quartier général l'autorisation d'entreprendre des conversations préparatoires avant de mettre en œuvre le plan d'urgence. Aucune opération sûre ou possible avec les moyens actuellement disponibles. Nous devons choisir entre annuler l'opération ou prendre des risques calculés variant d'un degré à l'autre. Au cas où l'action serait décidée, dans la perspective d'une action immédiate, je demande instamment au quartier général d'autoriser des conversations préparatoires pour déterminer si l'agent est volontaire pour jouer un rôle actif ou bien si nous supprimons l'opération. Nous agirons sur des bases hypothétiques et ne révélerions pas les plans. S'il semble prêt à accepter le rôle, nous pensons qu'il serait nécessaire de lui révéler l'objectif à poursuivre. Je demande au quartier général de répondre immédiatement. Câble CIA, Léopoldville à Tweedy, 30 septembre 1960. Nous nous autorisons à entreprendre des conversations exploratoires avec l'agent pour estimer son attitude envers un éventuel rôle actif. Il nous semble que la meilleure des utilisations possibles de cet agent est... Nous étudierons avec beaucoup d'attention votre évaluation initiale de son attitude, ainsi que toute approche nouvelle qui pourrait apparaître. Nous apprécions la manière dont vous envisagez le problème. Espérons une hâte modérée. Câble CIA, directeur adjoint de la division Afrique à Léopoldville, 30 septembre 1960. Tweedy a déclaré qu'il était normal que son adjoint ait envoyé le câble autorisant l'officier de poste d'avancer d'un pas l'opération d'assassinat. Il dit aussi qu'il était très possible que Richard Bissell ait été informé de ces directives. Le 7 octobre, le chef de la station envoya au quartier général le compte-rendu de sa rencontre avec l'agent qu'il estimait être le meilleur candidat, celui qui aurait la possibilité d'approcher le mieux Lumumba. J'ai eu des conversations préparatoires avec l'agent. Après avoir fait le tour de toutes les possibilités, l'agent a préconisé la solution recommandée par le quartier général. Bien qu'il n'ait pas saisi la balle au bon, je pense qu'il est prêt à jouer tout rôle nécessaire pour réaliser l'opération dans les limites possibles de sécurité. Câble CIA, chef de station à Tweedy, 7 octobre 1960. Selon le chef de station, l'agent et lui avaient envisagé les possibilités qu'avait l'agent d'injecter la substance toxique dans la nourriture de Lumumba ou dans son dentifrice. Je pense que j'ai interrogé l'agent qui pouvait approcher Lumumba et son entourage sur les moyens qu'il avait à sa disposition de l'approcher autrement qu'au cours de discussions. En d'autres termes, pouvait-il entrer dans la salle de bain ou dans la cuisine ou des choses de ce genre ? Je me souviens lui avoir posé toutes ces questions sans préciser pourquoi je les posais. Mais le chef de station doutait de la pertinence ou de la fiabilité d'un tel plan. Bien sûr, pratiquement, ça me donnait l'impression d'être un plan complètement dingue. Je ne pensais pas que c'était fiable techniquement, en tout cas pas dans un délai si court, surtout si on ne voulait pas impliquer les États-Unis. J'en ai étudié tous les aspects, mais je me demande si j'ai jamais vraiment cru que ça allait se faire. Malgré le témoignage de Edgman exposant ses doutes quant à l'aspect pratique de l'assassinat, les dépêches montrent qu'il avait décidé de mettre en œuvre l'opération et qu'il fit ce qu'il fallait pour réussir. Par exemple, il poussa le quartier général à lui envoyer un agent de rechange. Si le quartier général pense que les difficultés de l'agent l'empêchent de participer à l'action, je tiens à souligner qu'il est nécessaire de fournir à la station un agent venant d'un pays tiers. Câble CIA, Léopoldville, à Tweedy, 7 octobre 1960. Tweedy continua à soutenir l'opération d'assassinat et conseilla « Soyez sûr que je ne m'attendais pas à ce que les objectifs propres soient atteints rapidement. » J'envisage vous envoyer un agent originaire d'un pays tiers. Lorsqu'il arrivera, ce sera à vous, après un temps de stage, de voir s'il peut jouer un rôle actif ou de court-circuit à plein temps. Si vous jugez qu'il est valable, et tenant compte des soucis supplémentaires que cela vous causera, je pense vous envoyer à titre temporaire officier supérieur pour mener cette opération sous votre direction. Câble CIA, Tweedy au chef de station. 7 octobre 1960. Selon le rapport du chef de station, Joseph Scheider quitta le Congo le 5 octobre pour retourner au quartier général à cause de la date d'expiration des substances toxiques. Au-delà de cette date, en effet, les substances n'étaient plus mortelles. Le câble du chef de station ajoutait « Joe a laissé certains éléments qui peuvent être utiles. » Le chef de station a l'intention de continuer à mettre en œuvre l'opération. Câble CIA, Léopoldville à Tweedy, 7 octobre 1960. Sans nier l'influence du câble du chef de station du 7 octobre, et déclarant que des substances toxiques restaient entre les mains de Edgman, Scheider se rappelle avec précision qu'il avait détruit la viabilité des substances biologiques et qu'il avait tout jeté dans le fleuve Congo avant de partir, le 5 octobre 1960, pour les États-Unis. En contradiction avec Scheider, Edgman a déclaré que les substances toxiques n'avaient été détruites qu'après l'emprisonnement de Lumumba par les Congolais au début de décembre. On retiendra de tout cela le seul élément important. Le chef de station avait l'intention de continuer ses recherches pour réussir l'assassinat, même après le départ de Scheider. Celui-ci a l'impression que Edgman était toujours autorisé à chercher un moyen d'assassiner Lumumba, avec obligation de soumettre ses plans au quartier général.